بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhadna fi d-dars al-sabiq al-hadith المدرج. فما معنى الحديث المدرج عندما ان يقع في الكلام ان يقع في المتن كلام ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في المتن كلام ليس من النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف المتن سي با من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوز اوبليا ان لفظ اسانسييل ادخال الكلام غير النبي ادخال كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم الادخال يفوك يرون دون كلكو شوز Si, kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, thumma, ce kalam il a été rentré vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il manque quelque chose, qu'est-ce qu'il y a avec Mouhim. Naam, bila tamiz. Enfin, t'as deux choses. Et t'khal kalam, ghayr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, premier point. Deuxième point, bila tamiz. Amma si y a et t'khal et y a du tamiz, c'est pas bila al-mudraj. Enfin, les ta'arifs, ils sont précis, jiddan. Rakizou, les ta'arifs, ils sont précis. Et chaque mot, il a une ma'ana. Il y a un ta'arif, l'ulama, comme on a dit, mukhtasar, et il y a des ma'ani azima. Il te cite ce mot, il y en a une fa'ida. Enfin, le mot idkhal et le mot tamyiz, il est muhim. Inch'Allah, révisez hadha al-qism, il est muhim. Al-yawm na'khud aqsam ukhra, wa hiya sahla, wa hiya muhimma kadhalik, al-mudabbaj, wal-muttafiq, wal-mu'talif. On essaye de prendre les trois. Il y en a, ça se ressemble. Et ça parle de la même chose في الجملة. قال الإمام البيقوني رحمه الله وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه المدبج ما روى كل قرين عن أخه أي فلان il a rapporté عن فلان et فلان lui-même il a rapporté عن فلان أبو هريرة il a rapporté عن عائشة عائشة elle a rapporté عن أبي هريرة ça s'appelle مدبج c'est une فائدة. Amma riwayat al-qarin, et c'est la différence, c'est que matalan Abu Huraira il a rapporté an Aisha. Et Aisha n'a pas rapporté an Abi Huraira. La riwaya de Abu Huraira an Aisha c'est riwayat al-aqran, min riwayat al-aqran. Amma al-mudabbaj c'est que lui il a rapporté an lui et lui an lui. Les deux, ça va dans les deux sens. Amma si ça va que dans un sens, c'est riwayat al-qarin. Kama sayati. قال ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يقال له المدبج عند المحدثين قال وهو أحد نوعي رواية الأقران وسمي مدبجا أخذا من ديباجتي الوجه وهما الخدان أي les joues لأن هذه elle en face de هذه la joue droite la joue gauche fa ils ont appelé le مدبج par rapport à ça أي هذا يغبط عن هذا وهذا عن هذا ils ont fait la comparaison avec les joues فقط. قال وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما نعم je comprends pourquoi ils ont fait référence aux joues. قال وسماه بالمدبج الامام الدارقطني رحمه الله c'est une faïda. Le premier qui l'a appelé مدبج c'est الامام الدارقطني رحمه الله. Donc ce istilah مدبج c'est pour que tu comprennes سراوي l'a rapporté سراوي et سراوي l'a rapporté عن اخيه. Donc les deux, كل واحد يغبط عن الآخر. Ça s'appelle المدبج. قال وتعرفه بالاصطلاح كما ذكر الناظم أن يروي القرينان. Et ça c'est مهم. القرينان. قرين c'est la même طبقة. صحابي صحابي. Le même âge تقريبا. Et ils ont le même niveau تقريبا. هذا c'est ça قرين. مثلا on dit الشيخ بن باز c'est le قرين de l'imam الألباني. L'âge c'est pratiquement le même, ils sont de la même génération, le ilm, ils sont mutaqarib, enfin c'est des aqran. Est-ce que tu peux dire un talib ilm l'an, c'est min aqran al-imam ibn Baz? Abadan. Al-qarin, c'est celui qui est la même époque, la même génération, et dans le ilm, le niveau, ils sont mutaqarib. C'est ça, al-qarin. Ça fait sortir riwayat al-talmid al-shaykhi. C'est pas min al-aqran, bel, élève, shaykh. Aqran, c'est, ils sont du même niveau. أو متقارب دون لو نيفو اي لاج. قال كما ذكر الناظم أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. Donc, première chose, c'est que c'est من رواية الأقران. Deuxième chose, c'est كل واحد يغبطه عن الآخر. C'est ça le مدبج. Deux choses. قال مثل عائشة وأبي هريرة في الصحابة ومالك والأوزاعي في من بعد الصحابة وغيرهم. نعم. مالك والأوزاعي. مالك إمام المدينة إمام دار الهجرة الأوزاعي إمام أهل الشام ils sont dans la même époque dans le علم ils sont متقارب فالأوزاعي s'il a rapporté عن مالك المالك عن الأوزاعي ça sera من المدبج قال والقرينان هما et ça c'est important il explique c'est quoi un قرين قال والقرينان هما من استويا في الإسناد أي الطبقة elle est proche مثلا طبقة الصحابة قال والسن لاج مثلا مالك والأوزاعي ça se rapproche قال غالبا نعم c'est pas précis le jour même لا ça c'est في الجملة قال والمراد بالاستواء المقاربة هذا المقاربة أما précis tu trouveras pas قال لا المطابقة هذا قال الحاكم في المعرفة وإنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما. Donc مسألة c'est مسألة تقارب. C'est du à peu près. T'es pas au jour près. T'es pas là. مثلا شيخ بن باز et شيخ الألباني. C'est des أقران. Est-ce qu'ils ont le même âge jour pour jour? Là. Est-ce qu'ils ont le même علم dans tout? Là. تقارب. معروف هذا عند العلماء. قال فإن روى أحدهما عن الآخر دون العكس سمي رواية الأقران. Ça c'est مهم. فإن روى أحدهم عن الآخر دون العكس سمي رواية الأقران. Qui c'est qu'un مثال? C'est من رواية الأقران. نعم. Si c'est les deux, عندك? مدبج. هذا. قال ومثاله في الصحابة. Donc il a cité le mudabbaj, il a cité des fawaid, il a cité les ta'rif, etc. ثم il a cité مثاله في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عنه. تمام. Ça c'est ثابت. Donc les deux, كل واحد il a rapporté عن الآخر. C'est des أقران, صحابة. Ils ont connu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est des grands élèves. Abu Huraira, il est resté longtemps avec lui. Aïcha, c'est sa femme. Ma'rouf. Donc, Mudabbad. في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عنه رحمة الله عليه. Donc, chacun il a rapporté عن أخي. أتبع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عنه. كذلك رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية ابن المديني عنه. نعم. ثم il a fait la différence avec l'Aqran. Aïe, c'est un des deux qui rapporte. فقط. Ça ne va pas dans les deux sens. هذا المدبج et c'est simple. المدبج c'est une dirasa في المتن ou في الإسناد? في الإسناد. Et ça c'est كما ترى c'est مجرد فائدة. أما tu ne trouveras pas هذا كثيرا. Et ça dans les احكام ça ne changera rien. Tant que c'est l'essentiel, c'est que le hadith soit sahih. Là, là, c'est mujarrad fa'ida. Fulan, il a rapporté un fulan, et fulan lui-même, il a rapporté un fulan. Les deux, كل واحد, il rapporte un l'autre. Tfaddal. C'était pour ça, Omar ibn Abd al-Aziz, c'est l'amir. Ah, non, l'amir. Il est mulaqab al-khalif al-khamis. Al-khulaf al-arba'a, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et lui, ils l'ont laqab al-khamis. C'est min al-hukam al-fudala al-ulama. Il était à l'époque de Az-Zuhri. Et c'est un rajul taqi, zahid, rahmatullah alayhi. Et il a une riwaya dans le hadith, ça montre son niveau. Naam, al-mudabbaj, Cheikh Hussein, il a cité le fa'ida, man awwal man sammah bil-mudabbaj, on a dit, ad-Dharqutni. Naam, hada al-mudabbaj. Thumma ba'da, qala, الإمام البيقوني رحمة الله عليه قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق ثم إذا سيتي بعده المؤتلف والمختلف. Donc t'as deux choses, متفق son contraire مفترق, المؤتلف son contraire المختلف. Vous allez voir que c'est Aqsam, c'est Muhim, c'est par rapport au Rawi. Ils ont le même nom. Wahid, il s'appelle Muhammad, un deuxième Muhammad. Ils ont le même nom. Lakin, c'est deux personnes différentes. Vous allez voir que Dalek, Al-Mu'talif, Al-Mukhtalif, c'est une nukta qui change tout. Hibban, Hayyan. Une nukta, elle peut tout changer. On va voir des exemples. Ça, c'est par rapport au Asma, et c'est important. Si tu penses que ce Rawi, c'est Fulan, alors que c'est pas lui, Rubbama, il est vaïf. Alors que Al-Maqsoud al-Isnad, c'est un fiqa. Rubbama, si tu inverses les noms, tu fais pas attention. Rubbama, tahkum ala al-Isnad bidhaf, alors qu'il est pas vaïf. Et ça, c'est muhim. Et l'ulama, il donne d'importance au nom. Comme tu sais, Kutub al-Rijal, il donne beaucoup d'importance à hada. Et tasrif, ça arrive. Une nokta en plus, ou une lettre en plus, ou une lettre en moins, ça te change tout. Les ulama, ils ont donné l'importance à hada. Qala al-Sheikh Sa'id, al-Muttafiq ma'khoud min al-Ittifaq. والمفترق مأخوذ من الافتراق هذا سمعروف قال وفي الاصطلاح كما حده الناظم أن تتفق أسماء الرواة أو أسماءهم وأسماء آبائهم وأنسابهم لفظا وخطا وتختلف أشخاصهم وذواتهم وتفترق لممنو محمد بن عبد الله أن أدخس في محمد بن عبد الله ربما du même pays. Lakin, c'est deux personnes différentes. On va voir des exemples. Donc, al-ittifaq, il est fi ma'adha? Fil asma wal ansab. Muttafiq wa muftariq. L'ittifaq fi l'ism wa l'iftiraq fi al-shakhs lui-même. Datu. قال وفائدة معرفة المتفق والمفترق خشية أن يظن الشخصين أو الأشخاص المتعدين كانه المتعدين الأشخاص أي المعنيين هنا واحدا نعم هذا مهم que tu crois pas que c'est le même شخص. On va donner des exemples. مثلا dans Isnad Muhammad, dans le deuxième Isnad Muhammad, toi tu crois que c'est le même. Pourquoi ça peut être grave? Muhammad الأول ثقة ومحمد الثاني ضعيف. أحسنت. Le premier ثقة, le deuxième ضعيف. ما بالك si tu mélanges. Tu crois que le deuxième qui est vaïf, c'est le thiqa. Tu vas dire le isnad fulan, c'est un thiqa. Et ça, c'est grave. Falihada, l'ulama al-hadith, il donne beaucoup d'importance au nom. Et pour ça, le nom, la kunya, d'où il vient, son nasab, son fils, son shir, hatta, ils sont sûrs que c'est lui. Tumma, le hukm, il est par rapport à lui. Mama, ben, look, celui qui se précipite, et il mélange. Falihada, ça te montre un avis ilm al-hadith, tu te précipites pas. Là, les recherches. Hatta, t'es sûr que ce rawi, c'est fulan. Khasatan, vous allez voir, des Raoui, ils ont le même nom. Ils ont le même. Le père, il a le même nom. Le grand-père, il a le même nom. Ils ont la même kunya, ils viennent du même pays. Tout ça, t'as l'impression que c'est le même. Avec les recherches, les machaïrs, etc. Rihla, où il a voyagé, où il a pris l'ilm, tu vois que c'est deux personnes différentes. Et ça change tout. قال وفائدة معرفة المتفق والمفترق خشية أن يظن الشخصين أو الأشخاص المتعدين واحدا وربما كان أحد المتفقين ثقة والآخر ضعيفا فيضعف الصحيح أو العكس نعم ربما الصحيح يدمي ضعيف الضعيف يدمي صحيح لماذا؟ لأنه يوجد ملانج لا يوجد كثير من التحقيق كثير من التحقيق لدراوي قال السخاوي في فتح المغيث وفيه الأمن من اللبس صحيح أمن Aïe, en distinguant bien chaque rawi, inshallah tu risques pas de tomber vers hadal laps. Aïe, tu mélanges. Distinguer, bien savoir les rawi qui ont le même nom, les distinguer. Tu auras toujours une distinction à faire. Emma, ils n'ont pas la même kunya. Emma, ils n'habitaient pas dans le même pays. Emma, ils n'ont pas les mêmes machaïr. Tu trouveras jamais de rawi, ils sont pareils dans tout. Abeten, ça c'est marou. Là, qui les recherche? Est-ce qu'il a cité des exemples? أخونا تركي في المتفق والمفترق أبخل مدبج نعم إلى ستي وينقسم إلى ثمانية أقسام أي le fait que ce شخص il ressemble à ce شخص dans le nom. قال من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم مثاله الخليل بن أحمد ستة رجال أما الاسم ils ont le même اسم et le même nom de père, فهذا c'est كثير. مثلا الخليل بن أحمد. قال الثاني وهو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم. هذا إلي بلغة. Le même nom de père et le même nom de grand-père. قال أحمد ابن جعفر ابن حمدان. Ils sont 4. متعاصرون في طبقة واحدة. Ils sont la même طبقة. 4. Ahmed ibn Ja'far ibn Hamdan. Fa anta, dans tes recherches, tu dois faire attention. Chaque Ahmed, il a un hukm. Et surtout ne pas mélanger. الثالث وهو أن تتفق الكنية والنسبة معا. La même kunya et la même nisba. Nisba ila al-balad. مثلا قال مثل أبي عمران الجوني رجلان. Ils sont deux. أبو عمران الجوني. On a deux. Faut faire attention de ne pas les mélanger. قال الرابع وهو أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة. محمد بن عبد الله الأنصاري رجلان متقاربان في الطبقة. Donc ils sont deux. Même mon père et la même nisba. من الأنصار. محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري. Ils sont deux. قال الخامس وهو أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم. وهذا كثير. Le même prénom ils ont et la même kunya. وهو أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم. نعم. Même kunya et ils ont le nom de père le même. قال نحو أبي بكر بن عياش ثلاثة. Donc أبو بكر c'est sa kunya. عياش c'est le nom du père. Ils sont trois. Même kunya, même nom de père. قال السادس وهو عكسه ما قبله أي أن تتفق أسماءهم وكنا آبائهم. صالح بن أبي صالح. Ils ont le même prénom et leur père, ils ont la même kunya. صالح ابن أبي صالح. أربعة. فانا كتر. قال السابع أن يتفق الاسم فقط. ويقع في السنة ذكر الاسم فقط. مهملا من ذكر أبيه. أو نسبة. نعم. وهذا مثل حماد. حماد, on en avait cité trois. Qui c'est qui les répète? حماد. حماد ابن زيد. حماد ابن زيد. أبو إسماعيل الإمام. Le deuxième. Hamad, Hamad ibn Salama. Le troisième, Hamad ibn Usama. Donc, Hamad, tu peux avoir dans l'isnad Hamad, tu dois savoir c'est lequel. الثامن أن يتفق في النسب من حيث اللب ويفترق من حيث أن ما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر. نعم. قال ولمحمد الظاهر في هذا القسم تصنيف حسن. نعم. المقدسي محمد ابن طاهر المقدسي هنا ليبغى في هذا. أي المتفق والمفترق. Et c'est طيب هذا. Ça t'aide في الإسناد. أحيانا يحصل هذا. T'as un nom, tu sais plus c'est lequel. Hamad, c'est lequel. Et tu dois faire des recherches. Bien sûr, tu reconnais avec le tabaka, tu reconnais avec le shir, tu reconnais avec sa kunya, tu reconnais avec le nasab. Il y a plein de points qui te permettent, ses élèves, le rawi qui est avant lui, qui est après lui, tu arriveras à trouver c'est qui avec le temps. هذا المتفق والمفترق. Donc, اتفاق في الاسم et افتراق في الذوات. Même ism, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Et on a vu plusieurs exemples. Ça peut être le même nom de père, la même kunya, le même nasab, etc. Thumma, il cite un autre qism et il ressemble à celui-là. قال الناظم مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. هذا ça va ressembler au cas d'avant. قال المؤتلف والمختلف معرفته من مهمات هذا الفن حتى قال ابن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. صحيح. Pourquoi ces aqsams sont muhim? Léanna rubbama, dans un livre, khasatan nahnu, notre génération, elle est loin de la génération de Haoula. Rubbama, avec l'imprimerie, avec le livre, il a été imprimé plusieurs fois, édité plusieurs fois. Rubbama, il y a un tasrif. Et ta'alamu, on en a un point, nokta. Ça peut changer beaucoup de choses. Léhaza, l'ulama, il donnait de l'importance. Wala yasta'jilun. Et il regarde bien avant, après, c'est qui sera, oui, hatta ya'alamun, c'est qui, bidhab. Il y a des rois, c'est simple. مثلا الزهري مثلا مالك هؤلاء تتخوض التصحيف en général لكن يدر كما يأتي معنا يحصل هذا. قال والمؤتلف والمختلف من مباحث الإسناد كما كالقسم الذي قبله. قال وبالأخص أن موضوعه أسماء الرواة. نعم كما تقدم دون قسم دعوه. قال والمؤتلف مأخوذ من الائتلاف. الائتلاف أي se rassembler. قال وهو الاجتماع والتلاقي. قال والمختلف من الاختلاف ضد الاتفاق. الاختلاف c'est le contraire de الاجتماع. قال وفي الاستراح. Donc ça c'est لغتين pour te donner un aperçu فقط. أما nous ce qui nous intéresse. قال وفي الاستراح أن تتفق أسماء الرواة وألقابهم وأنسابهم خطا وتختلف نطقا. كيفك عاكم خير؟ تفضل. تتفق؟ في الخط، صديق ليلة الحروف. نعم، تتفق أسماء الرواة وألقابهم خطا وتختلف نطقا. النقاط، بعضهم الخاء، الجيم والحاء. أحسن. أي وتعلمون أن كثير دس نقاط سي حركات تو سي فينو أبخ. أما كتب المتقدمين أحيانا يمنون بر نقطة. فحبان وحبان وحيان سي لا ميم شوز سي تنليف لي نقاط. أونليف لي نقاط تو فيغا كو سي لو ميم شكل. سكي في لا ديفيرونس سي لي بوان. هذا. قال وأنساب غلي. وفي الاصطلاح أن تتفق أسماء الرواة وألقابهم وأنسابهم خطا وتختلف نطقا، وسبب الاختلاف قد يكون عائدا إلى النقط كما في حيان حبان جيان، وقد يكون عائدا إلى الشكل كما في سلام أو سلام بالتخفيف والسلام بالتجديد. كذلك إن شدة ça change tout. Salam, salam. En fait, dans certains écrits, Obama, il n'écrit pas cette chedda. Il l'écrit pas. Mais un autre, il change. L'écriture, c'est la même. Voilà, c'est précis. قال ففائدة معرفة المؤتلف والمختلف رفع الاشتباه واحتمال التصحيف. الفائدة المعروفة أن هذا لا يشتبه بهذا. Tu mélanges pas roi, لأن les mélanger ça peut être grave. Fulan il peut être Teqa et Fulan, ça peut être un kadhab, un da'if. Si tu mélanges, yahsul al-labs. Des amthila. Umara, na'am. Matalan, Umara wa Imara. Wa Hizam wa Haram. Na'am. C'est quoi qui change? C'est le point et la haraka. Amma asl al-kalima, c'est la même. Qala wa Ghannam wa Atham. Wa Musawwir wa Musawwar. Donc, هنا c'est al-haraka. إلى آخر. سأقسم. elles sont simples. elles sont simples. الباحث يفي attention à هذا. il a cité نعم فائدة. الاختلاف قد يكون في الشكل مثل سلام وسلام. تمام. وقد يكون في النقط نحو الثوري والتوازي. ça se ressemble. لكن avec une nocta ça change tout. Une nocta de plus في التا ça devient ثا et une nocta de moins في الزي ça devient را. الثوري والتوازي. قال وعباس وعياش. Une nocta de plus dans le bas ça devient ça devient يا. Et trois nocta de plus dans سين ça devient شين. عباس عياش. أسد وأسيد. بشر وبصر. Tout ça. الله يعين. Tu t'aperçois que le travail qu'ils ont fait le muhaddithin, il n'est pas seul. Mabalouk, des milliers de rijal, des milliers d'isnad. Mabalouk, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, hiv. Et ça soit indal mashayikh, il n'y a ni ordinateur, ni logiciel, mais indahum min hada. Et ce travail énorme qu'ils ont fait. Mousnad l'imam Ahmed, des milliers de hadiths. Rahmatullah alayhim. Fal haqiqa, cette dirasa, elle te donne de ihtiram, wa tawqir, wa ijlal li ahl al-ilm. Tu vois le travail qu'ils ont fait, il n'est pas simple. Toute la journée, des milliers de rapporteurs, Fulan, An Fulan, et ils arrivent à faire la différence. Kutub al-Ilal, c'est Aya min Ayatillah, comme ils font la différence sur certains points précis. Fallah y'aïd, sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yihshurna ma'ahum yawm al-qiyama. Qala l'imam al-Nawawi, huwa fannun jalil. C'est une matière jalila. Aïe. Connaître le nom des rois et faire la différence et ne pas mélanger. Qala yaqbuhu jahluhu bi ahli al-ilm. Sahih. Les ulama qui ne connaissent pas hada, c'est quelque chose de qabih. Léana, il va mélanger. Qala siyama ahli al-hadith. Wa man lam ya'rifhu yakthur khata'u. Sahih. Yakthur khata'u, il va mélanger. Ayyash, il va croire que c'est Abbas. Qala ibn Hajar wa ma'rifatuhu min muhimmat hada al-fan. C'est pour ça que le Hafid ibn Hajar, il donne de l'importance à hada fi al-fath. Fath al-Bari. Le site Fulan et une petite tarjama et il fait la différence. Hada c'est simple. Hada c'est simple. Tambi anna al-bahith il fait attention à sma al-ruwa. Baqiya qalil al-munkar wal-matruk wal-mawdu'. Il manque trois aqsam. Et ces trois aqsam c'est fi al-dha'f al-shadid. Munkar, on avait vu, on en avait parlé fi al-shad. Matruk, on va voir كذلك et al-mawdou. Donc trois aqsam, elles sont muhimmes. Trois aqsam qui montrent al-da'f al-shadid. On est quand mardi, mercredi, jeudi, na'am. On fera demain, on fera inshallah deux qismes et le dernier qisme on fera al-mawdou et avec une khatima inshallah on sera ala khair fi hadha al-bab. C'est un bab muhim, un fan azim mustalah al-hadith. Nassallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadat. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك